de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des persécuteurs poursuivent les héros du roman Le Nommé Jeudi de Gilbert K. Chesterton et donc de notre feuilleton. Sauf que l'on ne sait pas toujours qui est un héros, au sens traditionnel des épopées de la littérature édifiante, des romans policiers ou d'espionnage, des thrillers métaphysiques, ce que doit être, peu ou prou, cette histoire d'anarchistes, d'aristocrates, qui furent toujours des anarchistes, de faux anarchistes et de vrais policiers, ou l'inverse. Avant que le genre humain ne disparaisse, que la dynamite fasse son œuvre de destruction, que la foule s'élance, et que l'armée aussi, et que les sales penseurs modernes, mais qui, soient punis, voici deux épisodes, les 8e et 9e d'une série de 10. La Terre en anarchie et à la poursuite du président. Première diffusion sur France Culture les 14 et 15 septembre 1983. Le Nommé Jeudi de J.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, 8e épisode, La Terre en anarchie. Avec Pierre Arditi, Roger Mollien, Roger Carrel, Julien Guillaumard, Yves Penaud, William Corinne, Pascal Mazotti, Charles Marozzi, Jacques Maire. Réalisation Claude Roland Manuel. La matinée était chaude. En pénétrant dans le bois où ils espéraient échapper à leurs poursuivants, les policiers furent surpris par la fraîcheur de l'ombre, comme des baigneurs qui frissonnent en se jetant à l'eau. Les rayons tremblants du jour, brisés et fragmentés par les arbres, faisaient comme un voile frémissant, dont l'impression trouble rappelait cette sorte d'étourdissement qu'on éprouve devant un cinématographe. Ce bois enchanté semblait à Syme un parfait symbole du monde où il vivait depuis 3 jours. De ce monde impossible où les gens enlevaient leurs lunettes, leurs barbes, leurs nez pour se transformer en de nouveaux personnages. Existe-t-il quelque différence appréciable entre n'importe quoi et n'importe quoi? Le marquis a enlevé son nez et c'est maintenant un détective. Ne pourrait-il pas aussi aisément enlever sa tête et apparaître tout à coup sous les espèces d'un revenant? Tout n'est-il pas à la ressemblance de cette forêt de la féerie où la lumière et l'ombre dansent la sarabande? Tout ne consiste-t-il pas en vision rapide, éphémère, toujours imprévue et oubliée aussitôt qu'aperçue? Gabriel Syme venait de découvrir dans cette forêt tachetée de lumière ce que nos modernes nomment l'impressionnisme, c'est-à-dire une des formes innombrables de ce scepticisme radical et final qui ne reconnaît pas de support, de plancher à l'univers. Radcliffe, puis-je vous demander où diable nous allons? Il faut que nous allions par la ville de Lancy vers la mer. Je crois que dans cette partie du pays, nos ennemis ont peu de partisans. Enfin quoi, que voulez-vous dire? Il est impossible qu'ils aient un tel empire sur le monde réel. Il n'y a pas beaucoup d'anarchistes parmi les travailleurs. Et s'il y en avait, de simples bandes de révoltés n'auraient pas aisément raison des armes modernes de la police moderne. Cessez de courir un instant. Je crois que nous ferions bien de nous reposer. Attendons au moins que les autres nous rejoignent. De simples bandes. Vous parlez des foules et des travailleurs comme s'il pouvait être question d'eux ici. Vous partagez cette illusion idiote que le triomphe de l'anarchie, s'il s'accomplit, sera l'œuvre des pauvres. Et pourquoi ? Les pauvres ont été parfois des rebelles, des anarchistes. Jamais. Ils sont plus intéressés que personne à l'existence d'un gouvernement régulier quelconque. Le sort du pauvre se confond avec le sort du pays. Le sort du riche n'y est pas lié. Le riche n'a qu'à monter sur son yacht et à se faire conduire dans la Nouvelle-Guinée. Les pauvres ont protesté parfois, quand on les gouvernait mal. Les riches ont toujours protesté contre le gouvernement, quel qu'il fût. Les aristocrates furent toujours des anarchistes. Et les guerres féodales en témoignent. Écoutez, dans un cours d'histoire d'Angleterre à l'usage des petits-enfants, votre théorie pourrait n'être pas déplacée. Mais dans les circonstances présentes... Voici son application à ces circonstances. La plupart des lieutenants de dimanche sont des millionnaires qui ont fait leur fortune dans le Sud-Africain ou en Amérique. C'est ce qui lui a permis de mettre la main sur tous les moyens de communication. Et c'est pourquoi les quatre derniers champions de la police anti-anarchiste fuient dans les bois comme des lièvres. Je comprends ce que vous dites des millionnaires, ils sont presque tous fous. Mais s'emparer de quelques vieux maniaques est une chose. S'emparer d'une grande nation chrétienne en est une autre. Je parierais mon nez. Excusez l'allusion. Que dimanche ne pourrait convertir à sa doctrine qui que ce soit de normal et de Saint-Esprit. Cela dépend. De quelle sorte de gens voulez-vous parler ? Par exemple, je le défierais de convertir cet homme qui coupe du bois et que ça achète. Contemplez-le. Ne vous apparaît-il pas comme quelques figures allégoriques du travail peintes à la fresque sur un fond d'or ? Colonel, Monsieur Syme m'affirme que ce bûcheron ne sera jamais anarchiste. Monsieur Syme a raison, ne serait-ce que parce que cet homme a du bien à défendre. Mais j'oublie que dans votre pays, on n'est pas habitué à voir des paysans riches. Il semble bien pauvre. Parfaitement, et c'est pourquoi il est riche. Une idée. Combien nous demanderait-il pour nous prendre dans sa charrette ? Ses chiens sont à pied, nous pourrions ainsi les distancer. Proposez-lui n'importe quoi, j'ai beaucoup d'or sur moi. Mauvais calcul, il ne vous prendra au sérieux que si vous marchandez. Oh, s'il marchande ? Et il marchande parce qu'il est un homme libre. Vous ne comprenez pas que votre générosité éveillerait sa défiance. Et il ne vous demande pas de pourboire. Laissez-moi aller parlementer avec lui, je me fais fort de le convaincre. Entendez-vous ? Nos persécuteurs, ils ne renoncent pas. Ils ne renonceront jamais. C'est fait. Il est prêt à nous accompagner. Venez. À son avis, ce que nous avons de mieux à faire est de gagner une certaine auberge perchée sur la colline qui domine Lancy. L'aubergiste, un ancien soldat, tombé dans la dévotion, consentira sûrement à nous aider. Nous les distançons. Fouette, brave homme. Fouette tes chevaux. On les distingue encore. Quelle vue perçante vous avez, ça, une quasiment télescopique, je ne vois rien. Mais moi, je les vois. Sur les versants, là-bas, le carré noir de leur foule en marche, compact. On dirait un monstrueux scarabée. Mais comment les anarchistes ont-ils pu réunir un si considérable contingent ? L'armée d'automates. Les voyez-vous, Radcliffe ? Oui. Voilà de la discipline. Voilà dimanche. Il est peut-être à 500 lieues d'ici, mais la peur qu'il inspire à tous ces hommes pèse sur eux comme le doigt de Dieu. Oui, ils marchent avec ordre. Et vous pouvez parier vos bottes qu'ils parlent avec ordre, qu'ils pensent avec ordre. Ce sont des gens réguliers. Ce qui nous importe, c'est qu'ils disparaissent régulièrement. On ne les voit plus. Plus rien à l'horizon. Le beau vieillard sur ce banc est sans doute l'aubergiste des veaux. Entrez vous rafraîchir pendant que je lui parle. Regardez au mur. Un sabre. Quelques souvenirs de famille. Le vieux me semble bien débonnaire avec sa figure ridée comme une pomme. Sa barbe grise et ses yeux somnolents. Et tout ici respire une paix immémoriale. Ne nous attardons pas, cependant. Ah, colonel, puis-je savoir pourquoi nous sommes venus ici ? Pour deux raisons, monsieur. Et je vous donnerai d'abord non pas la plus importante, mais la plus utilitaire. Nous sommes venus ici parce que c'est le seul endroit jusqu'à 20 lieues à la ronde où nous puissions trouver des chevaux. Des chevaux ? Oui. Si vous voulez échapper aux gens qui vous poursuivent, il vous faut des chevaux. À moins, bien entendu, que vous n'ayez dans vos poches des bicyclettes ou des automobiles. Et où devons-nous nous diriger, selon vous ? Eh bien, sans aucun doute, le mieux que vous puissiez faire est de vous rendre en toute hâte au poste de police, qui est à l'autre bout de la ville. Mon ami le marquis exagère grandement, je l'espère, quand il parle de la possibilité d'un soulèvement général, mais il n'oserait pas contester lui-même, je pense, que vous soyez à l'abri auprès des gendarmes. Mmh. Et votre autre raison pour nous avoir conduits ici ? C'est qu'il n'est pas mauvais de voir un brave homme ou deux quand on est peut-être tout près de la mort. Mais je suis de votre avis. Quelqu'un s'occupe-t-il des chevaux ? Oui, j'ai donné des ordres en arrivant. Vos ennemis n'avaient pas l'air de se presser, mais en réalité, ils vont très vite, comme des soldats bien exercés. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse trouver une telle discipline chez les anarchistes. Bonne route ! Ansel ! Adieu, monsieur. Vous êtes peut-être le dernier honnête homme que je verrai jamais sur la terre. Il y a dans cette ville 5 individus fort riches. 4 d'entre eux sont de vulgaires coquins, le 5e est un honnête homme de mes amis. Et ce qui ne manque pas d'importance, dans notre cas, il possède plusieurs automobiles. Êtes-vous sûr qu'il nous en donnera une ? Eh oui, il est avec nous. Qu'est-ce que c'est ? Des chevaux au galop ? Ils nous tiennent ! À vos rangs pour recevoir la cavalerie ! Diable, ont-ils pu trouver des chevaux ? Je suis absolument sûr qu'à 20 lieues à la ronde, il est impossible de s'en procurer ailleurs qu'au Soleil d'Or. Non, non, je ne puis croire qu'il ait fait cela, cet honnête homme, avec ses cheveux blancs. Peut-être qu'il est à ma force. Ils sont 100 au moins. Si vous m'en croyez, au galop, c'est mon ami Renard qui vous donnera une auto. Soulèvement anarchiste universel. Oh, mais c'est totalement impossible, mon ami. Sur mon honneur. L'anarchie, quel enfantillage. Regardez par cette fenêtre en direction de la colline, Renard. Ces cavaliers au masque noir qui s'abattent sur la route avec l'irrésistible furie des hordes d'Attila. Est-ce aussi de l'enfantillage? Pourriez-vous, cher ami, me prêter une automobile sur le champ? J'ai une vague idée que vous êtes tous fous. Mais à Dieu ne plaise que la folie et l'amitié ne puissent faire bon ménage. Allons au garage. Vous choisirez celle que vous voudrez. Fait nuit déjà. Roulons, roulons. Oh, je n'y arrive pas. Damné moteur. Le jour s'est éteint étrangement vite. Maintenant ou jamais. Dépêchez-vous. Écoutez. Un cavalier seul en avance sur l'armée. Le secrétaire, je parie. Ah, maudite voiture. Quel engin moribond votre ami nous a-t-il donné, colonel ? C'est lui! C'est bien lui avec son affreux rictus! Ha ha ha ha ha ha ha ha! crois que vous l'avez rudement secoué. Filons ! Je ne puis comprendre que la nuit soit tombée si tôt. C'est un orage qui se prépare. Un extraordinaire amas de nuages couvre la ville. Ces fenêtres éclairées doivent un peu vous remonter le moral, inspecteur Radcliffe. Il n'y a qu'une lumière qui puisse me remonter le cœur. C'est celle du poste de police que je vois là-bas. Plaise à Dieu que nous y parvenions avant 10 minutes. Tout cela n'est que folie et sottise. Si vous croyez vraiment que de bons bourgeois, dans leur bonne maison bourgeoise, nourrissent des sentiments anarchistes, c'est que vous êtes vous-même plus fou qu'un anarchiste. Et si nous retournions pour nous battre avec ces misérables, nous aurions toute la ville avec nous. Mais non, c'est pour eux que toute la ville prendrait parti. D'ailleurs, vous allez voir. Qu'est-ce encore ? Des chevaux. Comment est-ce possible ? Des chevaux ? Non, ce ne sont pas des chevaux. Et le bruit ne vient pas de derrière nous. Regardez ! Les automobiles. Les automobiles du docteur Renard. Impossible. Je vous dis que ce sont les siennes, pleines d'hommes masqués. C'est absurde. Jamais Renard n'aurait pu leur livrer ses autos. Mais on les lui aura prises. Je vous dis que toute la ville est contre nous. Vraiment, vous avez cette conviction ? Et ce sera bientôt la vôtre. Non ! Je ne puis le croire. C'est pure folie. Des bonnes et simples gens d'une paisible petite ville française. Une balle m'a nettement sifflé aux oreilles. Bon Dieu. Que cela n'interrompe pas notre conversation. Je vous en prie, colonel, poursuivez vos judicieuses observations. Vous disiez, je crois, que les simples gens d'une paisible petite ville française... C'est extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Ingénieur dirait même que... Que c'est désagréable, n'est-ce pas ? Mais je pense que ces lumières au bout de la rue sont celles de la gendarmerie. Nous allons y arriver. Non, nous n'y arriverons jamais. Que voulez-vous dire ? J'ai dit et je répète que nous n'atteindrons jamais le poste. Ils ont déjà placé de rangs d'hommes en travers du chemin. Je les vois d'ici. La ville est en armes, comme je l'avais prévu. Je ne puis que me reposer dans le délicieux sentiment de n'avoir commis aucune erreur de calcul. Arrêtons-nous un instant. Je veux voir ce qui se passe au bout de cette rue. Oh, c'est parfaitement vrai. Il y a une foule ou une armée ou je ne sais quoi d'analogue au bout de cette rue. Dans ce cas, il s'agit d'autre chose. Cette foule se livre peut-être à quelques réjouissances locales. Par exemple, elle célèbre la fête du maire ou quelque chose dans le genre. Non, je ne puis ni ne veux admettre que les habitants de cette honnête ville se promènent avec de la dynamite dans leur poche. Mais... Ah non, mais regardez. Mais ces gens-là sont aussi doux et respectueux des lois que des moutons. Et s'ils ne l'étaient pas, ils seraient de notre bord. Qu'en savez-vous ? Mais voyez donc qui les commande. Renard ! C'est Renard ! C'est lui, mais oui, c'est bien lui. Fou que j'étais. Ce brave garçon est venu à notre aide. Docteur Renard ! Docteur Renard ! Je vais vous abattre, docteur Boule ! Oh, l'animal ! Il a fait 2 trous à mon chapeau. Eh bien, qu'en pensez-vous à présent ? Je pense que je suis couché dans mon lit, au numéro 217 de Peabody Building, et que je vais bientôt me réveiller en sursaut. Ou bien encore, je pense que je suis dans une petite cellule matelassée de Hanwell, et que le médecin désespère de mon cas. Non, mais si vous voulez savoir ce que je ne pense pas, je vais vous le dire. Je ne pense pas ce que vous pensez. Je ne pense pas, et je ne penserai jamais que la multitude des honnêtes gens du commun soit composée de sales penseurs modernes. Non, monsieur, je suis un démocrate et je ne crois pas que dimanche puisse convertir un manœuvre ou un saut de ruisseau. Non. Je suis peut-être fou, mais l'humanité n'est pas folle. Vous êtes un bien brave garçon, votre bon sens croit à celui des autres, qui n'est pas nécessairement le vôtre, et vous avez raison quand vous parlez ainsi de l'humanité en général, des paysans par exemple, ou de l'aubergiste du Soleil d'Or. Mais vous vous trompez sur le cas de Renard. Je l'ai tout de suite soupçonné. C'est un rationaliste et circonstance aggravante, il est riche. Si le sentiment du devoir et la foi religieuse doivent un jour disparaître, ce sera par les fautes des riches. Le devoir et la religion ont dès maintenant disparu. Voici les diables qui s'avancent, avec Renard à leur tête. Où allez-vous, colonel ? N'avez-vous pas encore compris ? Mais restez avec nous ! Cela n'est pas possible, cela n'est pas ! Ce ne peut être qu'une plaisanterie ! Si vous connaissiez Renard comme je le connais, autant vaudrait dire que la reine Victoria est un dynamitard ! Si vous aviez dans la tête la moindre idée du caractère de cet homme ! Dans son chapeau du moins, Boule a quelques idées de ce précieux caractère. Je vous dis que c'est impossible ! Renard m'expliquera tout à moi ! Mais ne vous pressez pas tant ! J'en aurai le cœur net ! Il nous aura bientôt tout expliqué à nous tous à la fois ! Renard ! Renard ! Renard, c'est moi ! Tu crois ! Votre bon ami ! Il perd son temps. Il n'y a rien à espérer de ce vieux païen. Je serais d'avis de foncer à travers cette foule, bang ! Comme les balles ont passé à travers le chapeau de Boule. Nous serions probablement tués, mais du moins nous tuerions en retour bon nombre de ces enragés. Pas de ça, mon vieux. Peut-être ces gens font-ils erreur. Non, laissons parlementer le colonel. Retournons en arrière, alors. Mais non, la rue est fermée, derrière nous aussi. Ah, d'ailleurs, il me semble que j'y aperçois un autre de vos amis, Syme. L'aubergiste du Soleil d'Or. Son épée à la main. Le bon vieillard aux cheveux blancs. Roulons vers la mer. Qu'y a-t-il, que diable? Vous voulez nous tuer tous? L'étoile du matin est tombée! L'étoile du matin est tombée! L'étoile du matin est tombée! Le monde est devenu fou! C'est moi qui suis fou. Qu'allons-nous faire? Il nous reste une dernière chance. Quoi que puisse signifier ce pandémonium, je pense que la police nous viendra en aide. La route, il est vrai, nous est fermée. Nous ne pouvons atteindre le poste. Mais distinguez-vous ce brise-lame qui entre dans la mer. Nous pouvons y tenir assez longtemps, comme Horatius Coclès, vous savez, quand il défendait le pont. Tâchons de résister au moins jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Allez, suivez-moi! Quand ils eurent atteint l'extrémité de cette jetée, ils comprirent qu'ils étaient au bout, aussi, de leur histoire. Ils se retournèrent face à la ville. Cette ville, la révolte l'avait transformée. Tout le long du quai, c'était un fleuve confus et mugissant d'hommes qui agitaient les bras en dardant vers la mer des yeux ardents. Des torches et des lanternes trouaient ça et là cette épaisse ligne sombre. Mais même sur les figures qu'on ne voyait point, même dans les gestes qu'on pouvait à peine deviner dans le tréfonds des ténèbres, on sentait une haine concertée. Il était évident que la malédiction universelle s'acharnait sur eux. Mais pourquoi ? Les paysans ! Ils ne s'étaient pas révoltés depuis le Moyen-Âge. Et parmi eux, notre bûcheron ! Même la police, si elle survenait, ne pourrait rien contre cette foule. Folie ! Il y a sûrement encore des êtres humains dans cette ville. Non ! Le genre humain va disparaître. Nous en sommes les derniers représentants. Peut-être. Comment est-ce donc la fin de la Dunciade ? Vous rappelez-vous ? Tout s'éteint. Le feu de la nation comme celui du citoyen. Il ne reste ni le flambeau de l'homme ni l'éclair de Dieu. Ton noir empire chaos est restauré. La lumière s'évanouit devant ta parole qui ne crée pas. Ta main, grand anarque, laisse tomber le rideau et la nuit universelle engloutit tout. Silence ! Voici les gendarmes ! Ils chargent la foule ! Non ! Les gendarmes se rangent le long du quai. Ils ont épaulé leurs carabines ! Oui ! Pour tirer sur nous ! Les gendarmes sont avec eux ! Dans le cabanon des fous furieux. Fous, sages, qu'importe. Nous serons tous morts tout à l'heure. Vous avez donc perdu tout espoir? Non, ce qu'il y a de plus étrange, c'est que je n'ai pas perdu tout espoir. Je sens palpiter en moi un tout petit espoir insensé que je ne puis chasser de mon esprit. Toutes les puissances de la planète sont coalisées contre nous, et je ne puis m'empêcher de me demander si cette folle petite espérance est tout à fait déraisonnable. En qui ou en quoi espérez-vous? En un homme que je n'ai jamais vu. Oh, je sais qui vous voulez dire. L'homme de la chambre obscure. Il y a longtemps que Dimanche l'aura tué. Peut-être. En tout cas, c'est le seul homme que Dimanche ait pu avoir quelque peine à tuer. J'ai entendu ce que vous avez dit. Moi aussi, je crois fermement en ce que je n'ai jamais vu. Mais où est parti le colonel? Il est parti conférer avec Renard. Nous ne pouvons l'abandonner à ces brutes. Mourons en gens d'honneur si... Ne vous apitoyez pas trop sur le sort du colonel. Le colonel est tout à fait à son aise. Il est... Non, non et non! Qui vous voudrez? Mais pas le colonel. Je ne le croirai jamais. Mais regardez plutôt. Deux de nos ennemis s'avancent sur la jetée. Sous le masque de l'un, ne reconnaissez-vous pas cette bouche qui se tord? Le secrétaire. Quant au visage rouge? La moustache grise du colonel. Oui, lui aussi a déserté. Tout est perdu. Je suis perdu. Je n'ai aucune confiance en ma propre personne. Il se pourrait très bien que ma propre main se leva contre moi pour me frapper. Quand ma main se lèvera, c'est un autre que moi qu'elle frappera. De Worms, donnez-moi cette vieille lanterne qui se trouve à vos pieds. Qu'allez-vous faire ? Allumez-la. Syme ! Je veux que le colonel sache qu'elle maintient cette épée. À nous deux, traîtres ! Judas avant Hérode ! Syme ! Vous êtes mort ! Dieu ! Je l'ai manqué. Non ! Non ! Non ! Syme, non, Syme ! Ah, je l'ai eu ! Et vous, lundi ? Voyez-vous cette lanterne ? Voyez-vous la croix qu'elle porte gravée ? Voyez-vous la lampe qu'elle protège ? Vous n'avez pas forgé cette lanterne. Vous n'avez pas allumé cette lampe. Ce sont des hommes meilleurs que vous. Ce sont des hommes qui savaient croire et obéir, qui ont travaillé les entrailles de ce fer, qui ont préservé la légende du feu. Tout ! La rue où vous passez, l'habit que vous portez, tout a été fait comme l'a été fait cette lanterne ! Par une négation de votre philosophie de rat et de poussière. Vous ne pouvez rien édifier. Vous ne savez que détruire. Détruisez donc l'humanité. Détruisez le monde. Que cela vous suffise. Vous ne détruirez pas cette vieille lanterne chrétienne. Elle ira là où votre empire de singe n'aura jamais la malice de la trouver. Des épées ! Chargeons ces chiens ! Pour toi aussi, l'heure de mourir a sonné ! Lundi ! Erreur, monsieur Syme. Je doute fort que vous vous rendiez compte de votre situation. Au nom de la loi, je vous arrête. Au nom de la loi ? Certainement. Je suis un détective de Scotland Yard. Voici ma carte. Et que croyez-vous donc que nous soyons, nous ? Vous êtes, je le sais pertinemment, membre du Conseil suprême des anarchistes. Il n'y a jamais eu de Conseil suprême des anarchistes ! Nous sommes tous de stupides policemen qui perdons notre temps à nous espionner les uns les autres. Et tous ces braves gens qui nous tiraient dessus nous prenaient pour des dynamiteurs. Mais je savais bien que je ne me trompais pas au sujet de la foule. Les gens du vulgaire ne sont jamais fous. Et j'en sais quelque chose, car moi-même, je suis du vulgaire. Maintenant, allons à terre. Colonel, relevez-vous. Je paye à boire à tout le monde. Le nommé jeudi, de J.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le 8e épisode, La Terre en anarchie, avec Pierre Arditi, Syme, Roger Mollien, Saint-Eustache, Radcliffe, Roger Carrel, De Worms, Julien Guillaumard, le narrateur, Yves Pénaud, le colonel Ducroix, William Corinne, Bull, Samedi, Pascal Mazzotti, le secrétaire, Charles Marozzi, le vieil aubergiste, Jacques Maire, Renard. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 14 septembre 1983. Thank you. Et voici l'avant-dernier épisode du feuilleton, le nommé jeudi, diffusé pour la première fois sur France Culture le 15 septembre 1983. Le nommé jeudi, de J.K. Chesterton, adapté par Roger Bilodin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, 9e épisode, à la poursuite du président. Avec Pierre Arditi, Roger Carrel, Roger Mollien, Yves Penaud, Pascal Mazzotti, Jean-Paul Tamaris, Alain Cuny, William Corinne. Réalisation Claude Roland-Manuel. Quel plaisir de se retrouver à Londres, n'est-ce pas, mes amis? Ne pensez-vous pas définitivement que le confort anglais a quelque chose de rassurant après notre aventure? Oh oui. Et dites-moi, n'avez-vous pas envie de sortir? Sortir? Je compte me coucher sans plus attendre et dormir sans rêve. Et vous, mes amis? Oh, moi de même, docteur. Je dois préparer mon compte-rendu. Mais quant à moi, la beauté de mon lit me suffira, docteur. Bonne soirée, docteur. Mais prenez garde aux beautés de Londres. Elles ont parfois des charmes redoutables. N'oubliez pas notre rendez-vous de demain. Et tranquillisez-vous. Je me garderai bien d'oublier. Bonne soirée à tous. Ah, quant à moi, messieurs, je vous quitte ici. Vous avez été bien aimable de nous accompagner jusqu'à Londres, colonel. Vous ressentez-vous encore du coup de lanterne que je vous ai asséné? Nous étions tous aveugles, monsieur Syme. Et moi doublement, qui ai dû me battre successivement pour deux parties qui n'existaient pas. Mais le plaisir de savoir que ni les uns ni les autres ne jouaient de la dynamite a effacé jusqu'au souvenir du coup que vous m'avez porté. Vous rentrez en France? Oui, mon train part à dans une heure. Messieurs, bonne chance, hein? Et qui sait, peut-être, un de ces jours, nous nous reverrons dans des circonstances plus paisibles. Au revoir. Au revoir, colonel. Bon voyage. Bon retour. Encore au revoir, monsieur. Quoi qu'il en soit, et en dépit du fait que nous détenons maintenant la clé de tous les petits mystères qui nous concernaient, nous restons dominés par la masse énorme de la seule énigme qui reste insoluble. Que signifie tout cela? Si nous sommes tous inoffensifs policiers, qu'est-ce que dimanche? Et s'il ne s'est pas emparé du monde, qu'a-t-il donc fait? Comme vous, professeur, je ne comprends rien au petit jeu de dimanche. Mais quoi qu'il en soit, ce gaillard-là n'est pas un citoyen sans reproche. Bon Dieu, rappelez-vous donc sa figure. Oui, ça j'avoue qu'elle est inoubliable. Nous serons renseignés bientôt, puisque demain doit avoir lieu notre grande réunion à Leicester Square. Excusez-moi de rester fidèle à mes devoirs de secrétaire. Peut-être avez-vous raison, peut-être nous dira-t-il tout. Mais je n'aurai pas le courage de l'interroger, de lui demander qui il est. Est-ce de la bombe que vous avez peur? Non. J'ai seulement peur qu'il ne me réponde pas. Mais allez, vous me suivez! Qu'est-ce que c'est? Le docteur Boulle! Déjà de retour? Messieurs! Fils vacarme! Messieurs! Calmez-vous, que se passe-t-il? Mais je l'ai vu! Mais qui vu? Je vous affirme que je l'ai vu, de mes yeux vus! Mais qui? Le président? Mais non, c'est bien moins grave que cela! Moins grave que cela! Je l'ai vu et je l'ai amené ici! Mais qui donc? Mais l'homme chevelu! Ou du moins l'homme qui était chevelu. Gogol. Il ne voulait pas me suivre, mais je l'ai traîné jusqu'ici. Allons, montrez-vous à ces messieurs, Gogol. Ce jeune homme blond? Ah oui, je le reconnais. C'est Gogol. Comme voulez-vous. Ne m'avez-vous pas chassé? Je ne suis pas un espion. Mais nous sommes tous des espions. Mais tête d'idiot, tête de lard, nous sommes tous des espions. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et Gogol, mardi. Et demain, nous irons tous les six demander à un seul homme ce qu'il veut. Santé, messieurs. Notre situation n'est pas aussi simple que cela. Nous sommes six qui allons demander à un seul homme ce que nous voulons nous-mêmes. Comment comptez-vous procéder? Mieux vaudra laisser Gogol dehors et commencer avec diplomatie. En êtes-vous sûr? Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, l'introduire avec nous et mettre le feu aux poudres aussitôt? Je tiens pour le parti de Syme. Mais pourquoi attaquer dimanche si témérairement? Oh, c'est bien simple. Je l'attaque témérairement parce que j'ai peur de lui. À demain, messieurs. Bonne nuit. charmé. Messieurs, charmé de vous voir tous réunis. Quelle belle journée. Le tsar est-il mort ? Non, monsieur. Il n'y a pas eu de sang. Je n'ai pas à vous décrire le spectacle révoltant. Le spectacle révoltant ? Peut-être voulez-vous parler du spectacle que nous offre le docteur Boulle avec ses lunettes ? Je sais bien que chacun a sa manière de voir et aussi ses yeux. Mais traiter de révoltant le spectacle que nous offre l'aspect d'un homme, et cela en présence de cet homme même... Mes lunettes sont des coquines, mais je ne suis pas un coquin. Eh bien... Regardez-moi plutôt. Eh bien, vous avez la figure que la nature vous a donnée. Oui, comment reprocherais-je à la nature les fruits qu'elle fait mûrir sur l'arbre de la vie ? Peut-être aurais-je moi-même un jour votre figure. Le moment n'est pas à la plaisanterie. Nous sommes ici pour savoir ce que tout cela signifie. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ? Pourquoi nous avez-vous réunis ? Savez-vous qui nous sommes ? Êtes-vous un imbécile qui joue au conspirateur ? Ou un homme d'esprit qui s'amuse ? Je vous conseille de me répondre. Les candidats, dans les examens, n'ont l'obligation de répondre qu'à 8 questions sur 17. À ce qu'il me semble, vous prétendez que je vous dise qui je suis, qui vous êtes, ce que c'est que cette table et ce que c'est que le Conseil suprême, et peut-être aussi quelles sont les fins de l'univers. Eh bien, j'irai jusqu'à violer un de ces mystères. Un seul. Puisque vous désirez savoir qui vous êtes, je vais vous le dire. Apprenez que vous êtes une bande de jeunes singes, animé des meilleures intentions. Et vous, qui êtes-vous ? Vous voulez savoir qui je suis ? Boulle, vous êtes un homme de science. Étudiez ces arbres dans leurs racines et cherchez-en l'origine cachée. Saïm, vous êtes poète. Regardez ces nuages du matin. Et tâchez donc de me dire la vérité sur les nuages du matin. Mais je vous en préviens tous. Vous aurez trouvé la vérité de l'arbre et la vérité du nuage, que vous serez loin encore de ma vérité. Vous aurez compris la mer, que je resterai une énigme. Vous saurez ce que sont les étoiles, et vous ne saurez pas qui je suis. Depuis le commencement du monde, tous les hommes m'ont pourchassé comme un loup, tous. Les rois et les sages, les poètes et les législateurs, toutes les églises et toutes les philosophies. Jamais, jusqu'à cette heure, on ne m'a pris. Les cieux s'effondreront quand je serai aux abois. Je les ai tous fait joliment courir. Et je vais continuer. Attention, il enjambe la balustrade, il va nous échapper. Ne bougez pas ! Il est une chose, pourtant, que je veux vous apprendre. C'est moi qui étais dans la chambre obscure. C'est moi qui vous ai fait entrer dans la police. Adieu. Comment ne s'est-il pas fracassé les membres ? Il gagne le coin de l'Alhambra. Et elle un câble. Sautons ! Prenez les suivants. Cocher, vite. Rattrapez ce câble là-bas, vite. Vite. Il se dirige vers le nord-ouest. Quelle allure de casse-cou. Le dimanche lui aura donné un pourboire impérial. Au voleur ! Au voleur ! Que criez-vous ? Je veux attirer l'attention des passants, des policemen. Lui jeter le plus de monde possible dans les roues. Bien vu. Le cocher de dimanche hésite. Nous le rattrapons ! Nous le rattrapons ! Plus vite, cocher ! Plus vite ! Regardez ! Dimanche se retourne et nous fait une épouvantable grimace. Il lève la main. Il s'apprête à jeter quelque chose dans notre câble. Oh, attention, baissez-vous ! Qu'est-ce que c'est ? Boulettes de papier. Deux petites feuilles froissées roulées entre les doigts. Sur celle-ci, il y a mon nom et cette missive. Qu'advient-il de Martin Tupper maintenant ? Quoi ? Qu'advient-il de Martin Tupper maintenant ? Que veut dire ce vieux fou ? Ma foi. Et que me dit-il à moi ? Allez, donnez. Personne plus que moi ne regretterait l'intervention de l'archidiacre. J'espère que les choses n'en arriveront pas là, mais pour la dernière fois, où sont vos galoches ? Comment ? Mais pour la dernière fois, où sont vos galoches ? C'est impardonnable à la fin, surtout après ce que l'oncle a dit. Oh. Nous prenons de l'avance. On dirait que l'allure de dimanche hebdomadaire. Mais oui, la circulation est interrompue là-bas, à cause d'une pompe à incendie. Dieu ! Dimanche s'enlève de son câble et saute sur la pompe. Nous le perdons ! Roulons toujours ! Pas moyen qu'il nous échappe à présent. On ne peut perdre de vue une pompe à incendie. Les autres suivent-ils ? Oui, voici Radcliffe qui nous dépasse. Regardez ! Dimanche se hisse à l'arrière de la pompe et... il nous envoie des baise-mains. Il jette une boulette dans le câble de Radcliffe. Fuyez à l'instant. On sait toute la vérité sur vos bretelles arsores. Un ami. Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais pas ce quartier. Mais quelle nouvelle fantaisie ! Oh, ils sont à terre ! Une escalade à grillage ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Arrêtez ici ! Arrêtez ! Descendons vite. Descendons vite à sa poursuite. Allez ! Pouvons-nous bien être ? Serait-ce ici la maison du vieux diable ? On m'a dit qu'il en possédait une quelque part dans le nord de Londres. Ah ben tant mieux. Nous le trouverons chez lui. Bon, écoutez, faites-moi la courte échelle. Non, ça va. Ce n'est pas la peine, je peux monter tout seul. Ah non, ce n'est pas cela. J'entends comme des diables qui riraient, qui éternueraient ou qui moucheraient leur diabolique nez. Ces chiens qui aboient, simplement. Mais pourquoi pas des scarabées qui aboient, ou des limaces, des géraniums qui aboient ? Avez-vous jamais entendu des chiens aboyer de la sorte ? J'en ai la chair de poule. Les chiens de dimanche ne sont pas des chiens ordinaires. Hein. Je saute ! Écoutez, sont-ce là des chiens ? Il est tout naturel que sa maison soit infernale. Et quand ce serait l'enfer lui-même, j'y vais. Venez tous. Vient notre rencontre. Et qui passait par ici ? Et qui ? Et qui ? L'éléphant ! Un de nos éléphants a pris le marodant et s'est évadé en emportant un vieux monsieur, un pauvre vieux monsieur aux cheveux blancs. Quelle espèce de vieux monsieur ? Un très gros et grave vieux monsieur, habillé en gris. Eh bien, si tel est votre vieux monsieur, croyez-moi, ce n'est pas l'éléphant qui l'a emporté, c'est lui qui a emporté l'éléphant. Il n'y a pas d'éléphant capable d'enlever ce vieux monsieur-là s'il ne consent pas à l'enlèvement. Et par le tonnerre, le voici ! Ah, mon Dieu, mais c'est lui ! C'est lui ! Oh, le pauvre vieux monsieur ! Arrêtez ! Arrêtez ! Il fonce sur nous ! Arrêtez-le ! Arrêtez l'éléphant déserteur, je vous dis ! Aïe ! Maigri ! Monsieur, il a tout défoncé ! Au passage, il a jeté ce paquet de feuilles de papier, des feuilles de papier blanc. Non ? Non, sur la dernière, il y a une inscription. Le mot, selon moi, gogol, doit être rose. Grand Dieu, je n'aurais jamais cru qu'un éléphant puisse courir si vite. Le mot, selon moi, doit être rose. Mais sautons vite dans des câbles si nous ne voulons pas perdre dimanche de vue. Paddington. L'Albert Hall de Kensington, déjà ? Vous croyez encore à Paddington ? Il accélère l'allure. C'est la panique. Sauston Clinton, bien sûr, les rues sont vides. C'est plus chaud. Il se dirige vers la grande roue d'escorte. Vers le parc d'exposition. Pourquoi ralentissez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Une foule qui barre le passage. Descendons. Il s'agite autour d'un éléphant. Quant à Dimanche, il a disparu. Donc est-il? Gardien! Où est passé le vieux monsieur? Le gentleman est entré en courant à l'exposition, monsieur. Singulier gentleman, monsieur. Et il m'a prié de tenir son cheval. Et c'est cet éléphant qu'il m'a donné. Avec une feuille de papier adressée au secrétaire du Conseil suprême des anarchistes. Donnez-y pour moi. Quand le hareng court un mille, le secrétaire peut sourire. Quand le hareng s'envole, le secrétaire doit mourir. Proverbe rustique. Mais pourquoi diable avez-vous laissé entrer cet homme? Vient-on d'ordinaire à votre exposition à dos d'éléphants enragés? Regardez! Regardez là-haut! Mais regardez quoi? Le ballon captif! Bah, et pourquoi regarderais-je un ballon captif? Qu'a-t-il de particulier, ce ballon captif? Rien! Excepté qu'il n'est plus captif! Le fil vient juste d'être coupé au-dessous de la nacelle, et le ballon s'envole, léger comme une bulle de savon. Oh! Oh! Oh, Dimanche! Par les 10 000 diables, Dimanche y est monté! Oh! Et il a l'audace de passer juste au-dessus de nous! Ma parole, mais... Il me semble que quelque chose est tombé dans mon chapeau. Une boulette de papier avec un nœud d'amour. Votre beauté ne m'a pas laissé indifférente de la part du petit flocon de neige. Ne nous tenons pas pour battus. Il faudra bien qu'il tombe quelque part. Suivons-le. À travers champs, s'il le faut, suivons-le. Voici dans les vertes prairies, nos habits en loques, courant sous le regard de Dimanche. Courage! L'essentiel est de ne pas perdre Dimanche de vue. Après tout, c'est beau. C'est d'une beauté étrange et singulière. Mais je voudrais bien que cet outre volatile éclatât. Je ne le voudrais pas. Le vieux pourrait en souffrir. Il souffrirait bien davantage si je pouvais lui mettre la main dessus. Petit flocon de neige. Je ne sais comment il se fait, mais je n'éprouve pas le besoin de le faire souffrir. Croyez-vous au conte qu'il nous a fait? Croyez-vous qu'il était vraiment l'homme de la chambre obscure? Je ne sais si je le crois ou non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne puis désirer que le ballon crève parce que... Eh bien? Attendez, arrêtons-nous, le ballon tourne en rond. Eh bien, parce que... Eh bien, parce que Dimanche lui-même est un ballon. Qu'il soit l'homme aux cartes bleues, cela confond ma raison. Et il semble bien que cela confonde toute l'histoire. Mais peu m'importe qu'on le sache, j'ai toujours eu de la sympathie pour lui, malgré sa méchanceté. Comment expliquer cela? Il me semble qu'il est un enfant. Un grand enfant. Remarquez que cette sympathie ne m'a pas empêché de le combattre comme l'enfer. Serais-je plus clair en disant que je l'aime d'être si gros? Vous ne serez pas plus clair du tout. Je l'aime d'être à la fois si gros et si léger, tout comme ce ballon. Il est naturel qu'un gros homme soit lourd. Celui-là danserait plus légèrement qu'un sylphe. Oui, je vois maintenant ce qu'il faut dire. Une force moyenne se manifeste par la violence. Une force suprême se manifeste par la légèreté. Vous rappelez-vous ces questions qu'on aimait à discuter jadis comme qu'arriverait-il si un éléphant sautait en l'air comme une sauterelle? Mais notre éléphant a précisément sauté en l'air comme une sauterelle. Et voilà pourquoi je ne puis m'empêcher d'aimer ce vieux Dimanche. Ce n'est pas que j'ai une admiration pour la force ou quelque autre sottise de genre. Il y a dans tout cela, je ne sais quelle gaieté supérieure. C'est comme s'il devait nous apporter d'heureuses nouvelles. N'avez-vous pas eu un sentiment de ce genre par une matinée de printemps? La nature se plaît à nous jouer des tours, mais un matin de printemps, on sent que ces tours sont de bons tours. Je n'ai jamais lu la Bible quant à moi, mais ce passage dont on s'est tant moqué, « Pourquoi sautez-vous collines élevées ?» recèle une vérité littérale. Les collines, en effet, sautent. Tout au moins, elles font de visibles efforts pour sauter. Pourquoi j'aime Dimanche? Comment vous dire? Eh bien, parce que c'est un grand sauteur. Vous ne connaissez pas du tout Dimanche. Quand je vis Dimanche pour la première fois, ce n'est pas cette sorte de vitalité aérienne dont vous parliez que je remarquais en lui. Et bien plutôt, cette grossièreté et cette tristesse qu'il y a dans la nature des choses. Il fumait, dans le demi-jour, des persiennes closes. Ce demi-jour était autrement pénible que l'obscurité généreuse où vit notre maître. Dimanche était assis sur un banc, une informe, incolore et vaste masse humaine. Il m'écouta sans m'interrompre, sans bouger. Cependant, j'étais éloquent, d'une éloquence tragiquement passionnée. Après un long silence, la chose se mit à remuer. J'eus l'impression que ses mouvements étaient déterminés par quelque secrète maladie. Cela oscillait comme une gelée vivante, répugnante. Cela me rappelait ce que j'avais lu sur ces matières ignobles qui sont à l'origine de la vie, les protoplasmes, au fond de la mer. On eût dit un corps au moment de la dissolution suprême, alors qu'il est le plus informe, le plus ignoble. Mais je trouvais quelque consolation à penser que le monstre était malheureux. Et je finis par découvrir que cette montagne bestiale était secouée par un rire énorme comme elle. Et que ce rire, c'est moi qu'il causait. Et vous croyez que je pourrais jamais lui pardonner cela ? Ce n'est pas peu de choses que d'être raillé par plus bas et plus fort que soi. Oh, sûrement vous exagérez tous les deux. Le président est très difficile à comprendre intellectuellement, mais matériellement, ce n'est pas le Claude Barnum que vous imaginez. Moi, il m'a reçu dans un cabinet tout à fait ordinaire, très éclairé. Il portait un vêtement gris, à carreaux, et le ton de sa voix était parfaitement normal. Voici pourtant ce qui m'étonna. Tout paraissait en ordre sur lui et autour de lui, mais il était distrait. Par instants, ses grands yeux brillants étaient ceux d'un aveugle. Il peut en effet oublier pendant des heures que vous êtes là. Eh bien, la distraction dans un méchant nous épouvante. Un méchant doit, selon nous, être sans cesse vigilant. Nous ne pouvons pas nous représenter un méchant qui s'abandonnerait sincèrement, honnêtement, à ses rêves, parce que nous ne pouvons nous représenter un méchant seul avec lui-même. Comment supporter l'idée d'un distrait qui vous tuerait s'il s'apercevait tout à coup que vous êtes là ? Voilà ce qui nous porte au nerf. La distraction unie à la cruauté. Ceux qui ont traversé les grandes forêts ont connu un sentiment de cet ordre, en songeant que les fauves sont à la fois innocents et impitoyables. Ils peuvent vous ignorer ou vous dévorer. Vous plairait-il de passer 10 nouvelles heures dans un salon en compagnie d'un tigre distrait ? Et vous, Gogol ? Que pensez-vous de Dimanche ? Je ne pense pas à Dimanche du tout, par principe. Je ne pense pas plus à Dimanche que je ne cherche à regarder le soleil à midi. Oui, c'est un point de vue. Et vous, professeur ? Que dites-vous ? Bon, professeur, réveillez-vous, professeur ! Dites-nous ce que vous pensez de Dimanche. Et ce que je pense ne saurait s'exprimer clairement. Ou plutôt, ce que je pense, je ne puis même le penser clairement. Ma jeunesse, vous le savez, fut un peu trop débraillée et incohérente. Eh bien, quand j'ai vu la figure de Dimanche, j'ai d'abord constaté, comme vous tous, qu'elle est de proportion excessive. Puis je me suis dit qu'elle était hors de proportion, qu'elle n'avait pas de proportion du tout, qu'elle était incohérente, comme ma jeunesse. Elle est si grande qu'il est impossible de la voir à la distance nécessaire pour que le regard puisse se concentrer sur elle. L'œil est si loin du nez qu'il n'est plus un œil. La bouche tient tant de place qu'il faut la considérer isolément. Tout cela, d'ailleurs, est bien trop difficile à expliquer. Les doutes du matérialiste ne sont qu'une plaisanterie. Dimanche m'a enseigné les derniers et les pires de tous les doutes. Les doutes du spiritualiste. Il a fait de moi un bouddhiste, à ce qu'il me semble. Et le bouddhisme n'est pas une foi, c'est un doute. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le 9e épisode, à la poursuite du président, avec Pierre Arditi, Saïm, Roger Carrel, De Worms, Vendredi, Roger Mollien, Saint-Eustache, Radcliffe, Yves Pénaud, le colonel Ducroix, Pascal Mazzotti, le secrétaire, Lundi, Jean-Paul Damaris, Gogol, Mardi, Alain Cuny, Dimanche, William Corinne, Boulle, Samedi, Gilles Varga et Bruno Balpe, Les Gardiens. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. La Terre en anarchie, 8e épisode, et À la poursuite du président, 9e épisode, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 14 et 15 septembre 1983. À suivre, le dernier épisode, L'accusateur. Le nommé jeudi est publié dans la collection L'Imaginaire, chez Gallimard. Vous pourrez réécouter ces épisodes en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.